Je vous dirais que sur base de ce score, j'ai un des meilleurs taux de pénétration de Belgique. Oh, vous savez, pas plus que d'habitude, mais... On va faire le test. Quelle erreur. Je suis très heureux, vous savez. Et puis un jour, je me suis dit... Mais... Tout le monde aime papa. Même quand vous avez l'habitude, c'est la vie. Ah ouais. C'est la vie. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Je trouvais que c'était mieux. Le roi d'or. C'est Dardenne Machine. J'arrive pas à m'expliquer. Le succès. Bon, vous savez. Dardenne Machine, c'est la vie. Tout le monde aime papa. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Oh, on rêve la musique. Dardenne Machine. Pour voir si t'as bien intégré. Dardenne Machine, c'est la vie. Tout le monde aime papa. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Oh, on rêve la musique. Dardenne Machine. Gainsbourg, Chiquibara. Monsieur Durpont, là où on a prélevé, c'est rebougé. C'est ça, tu l'as. Mais sérieux, en toutes circonstances. Tout ça reste bon enfant. Vous allez voir, vous allez connaître des moments exceptionnels. Donnez-moi une frise. Avec pour effet de faire des tâches. Donnez-moi une frise. Est-ce qu'il y a des questions, mes petits enfants? Vous pouvez analyser ça. Peu. Vous pouvez analyser ça de toutes les façons. On a gagné. Allez. C'est la vie. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Je trouvais que c'était mieux. Le roi d'or. C'est Dardenne Machine. J'arrive pas à m'expliquer. Le succès. Bon, vous savez. Dardenne Machine, c'est la vie. Tout le monde aime papa. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Oh, on rêve la musique. Dardenne Machine. Pour voir si t'as bien intégré. Dardenne Machine, c'est la vie. Tout le monde aime papa. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Oh, on rêve la musique. Dardenne Machine. Gainsbourg, Chiquibara. Je ne veux rien, je ne demande rien, je ne veux rien, je ne me profile pour rien. C'est notre seul combat. Allez, c'est la vie. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Je trouvais que c'était mieux. Le roi d'or. C'est Dardenne Machine. J'arrive pas à m'expliquer. Le succès. Bon, vous savez. Dardenne Machine, c'est la vie. Tout le monde aime papa. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Oh, on rêve la musique. Dardenne Machine. Pour voir si t'as bien intégré. Dardenne Machine, c'est la vie. Tout le monde aime papa. Dardenne Machine. Eh ben voilà. Dardenne Machine. Oh, on rêve la musique. Dardenne Machine. Gainsbourg, Chiquibara. Ça, c'est vous livrer mon cœur. Il faut toujours vidéo, là. De voir qu'il y a autant d'internautes qui sont passés un peu partout. Eh ben voilà. On va avoir certaines autodérisions, hein, aussi, donc. Vous savez, je sais rire de moi. Dardenne Machine.